première fois qu'on l'a fait, celle-là? Oui. C'est vrai, c'est voilà ma nouvelle conférence. Ah, c'est pas la même. C'est toujours nouveau, mais là, particulièrement. Qui réserve, quand on dit que nous réserve, est-ce que c'est qui ou quoi, ou une mécanique qui réserve des choses pour 1993? Comment? C'est le cas, ça, hein? Ah, c'est une très bonne question. Que nous réserve 93, l'année, est-ce que c'est l'année qui réserve quelque chose à l'humain? Pour les Juifs, on n'est pas en 1993. Si on est en 1993, à partir de l'apparition du Nazaréen, il faudrait qu'on rajoute au moins 7 ans, donc on est en 2000. Finalement, on a passé le pire, si on est en 2000, ouais. Quand les prophètes sont rusés, eux qui ont estimé ça à partir de la chronologie catholique. Pour les musulmans, on n'est pas en 93 non plus, pour les chinois non plus, puis pour certains autres personnages ailleurs, on n'est pas en 93. Donc, effectivement, l'année ne réserve rien à personne. L'année n'existe pas. Donc, quelqu'un qui fait de la numérologie pour savoir que c'est réserve 93, à chaque année, c'est trop très bon. Quelqu'un qui est pessimiste, à chaque année, c'est extrêmement mauvais. D'ailleurs, on peut faire une petite numérologie rapide ici pour 1993. Bon, vous allez voir comme c'est intéressant. Le chiffre 1, ça veut dire que c'est une année extrêmement active. Le 9, c'est quelque chose d'hermétique, c'est quelque chose de sage, de puissant, de spirituel. Donc, on a deux 9 qui sont extraordinairement actifs dans les phénomènes occultes. Et le 3 est une résultante. Donc, on devrait avoir un résultat très puissant à partir d'une activité phénoménale au niveau de l'occulte. 92, le 2 étant quelque chose de passif, ça devait être les gens ne peuvent pas se servir ou utiliser l'action puissante à travers l'occulte. Maintenant, 93, si je le définis d'une autre façon, avec la numérologie, bon, on peut l'additionner, 9 plus 1, ça donne 10, 9 plus 3, 9, 10, 11, 12, j'étais à l'école, moi, là, faut que je suis bon. Alors, ça donne 10 et 12, ça ici, ça donne 1, ça donne 3, alors, évidemment, ça donne 4. Alors, 93, c'est la matière, c'est l'actif qui donne du résultat. Hein, on a vu le 1 qui est l'actif, le 3 le résultat. Et le 4, c'est le symbole de la matière, le carré, les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Oui, mais dans le fond, tu pourrais dire n'importe quoi. Exactement, exactement. non, mais c'est ça, je veux qu'on comprenne bien, là. Alors, maintenant, on recommence avec 4. On peut y aller de d'autres façons, parce qu'on peut, si je suis négatif, je peux vous prendre les mêmes chiffres, les mêmes symboles, puis arriver à d'autres résultats. C'est les 4 éléments, c'est la matière, c'est le matérialisme, ça veut dire probablement des guerres. Ça veut dire que l'humain va perdre la spiritualité. Bon, on peut pas en mettre plein. Et tout ça, c'est vrai. Mais si, si l'année réserve rien... Mais non, l'année réserve absolument rien. Mais tout qu'on n'est même pas en 1993. Ça fait 15 milliards d'années que ça tourne. Puis on est en 1993 à partir de quoi? Oui, mais c'est basé sur quoi? Toutes les prédictions qu'ils font, d'une année à l'autre, ça diffère. Bon, alors ça, on revient à la question, à savoir sur quoi c'est basé. Qui réserve quoi à l'homme? Premièrement, il y a des êtres humains qui vous réservent des surprises. Certaines personnes pourraient dire l'économie réserve des surprises. Mais l'économie, tu sais, j'aimerais ça la rencontrer pour y parler, moi, là. Mais l'économie, c'est encore l'humain. Maintenant, l'humain est totalement manipulé. La majorité des êtres humains sur la... Non, c'est pas vrai. Tous les êtres humains sur cette planète savent souvent ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils devront faire, et ils se rendent compte qu'ils font toujours l'inverse ou totalement des choses différentes. Alors, qu'est-ce que réserve quoi? Qui réserve quoi à l'humain? Il y a l'astral qui réserve des choses, disons, fascinantes à l'être humain. Fascinantes pour l'astral ou pour l'homme? Pour l'astral. C'est ce que je pensais. Et puis, il y a l'intelligence qui réserve aussi des choses pour l'humain. Pas dans l'année 93, mais si on considère les 12 prochains mois, il y a effectivement des plans dans le monde astral là, concernant l'humain. Et il y a des plans dans le plan d'intelligence concernant certains êtres humains. Mais est-ce que les deux se connaissent? Oui, les deux se connaissent. Ah, mais est-ce qu'il y en a un qui connaît l'autre, l'autre ne connaît pas l'autre? Ou? Non, les deux se connaissent, sauf que l'intelligence n'a pas la capacité d'intervenir là où il n'y a pas d'intelligence, par l'astral. Puis l'astral n'a pas la capacité de prévoir l'intervention de l'intelligence. Mais... Autrement dit, les prophètes prévoient l'astral, et les prophètes ne prévoient jamais l'intervention de l'intelligence. L'intelligence, dans les prophéties, pourrait s'appeler Dieu, par exemple, ou Jésus, ou le Nazaréen, dans certaines étymologies. Ça veut dire qu'un prophète va dire que les choses vont arriver comme l'homme ne peut pas s'y en attendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'astral, rien ne peut être prévu de l'intervention de l'intelligence. Mais là, tu viens de dire, juste avant, qu'il y avait des plans dans l'intelligence. Est-ce que l'intelligence agit de manière structurée ou ça descend, puis ça descend de plus en plus à mesure que la résistance s'efface? Bon, ben là, c'est une question un peu haute. Donc, la structuration de l'intelligence est basée sur la présence de l'astral. Autrement dit, l'intelligence, c'est instantané, donc c'est pas pré-structuré. Sauf que c'est par exemple, je n'ai pas structuré d'éteindre un feu parce qu'il n'y a pas de feu. Mais s'il y a un feu, je n'ai pas besoin de me structurer pour éteindre un feu, je vais éteindre le feu. Mais l'intelligence, est-ce qu'elle peut prévoir et puis elle voit l'astral, elle voit ce que l'astral a dans ses plans pour 12 mois. Elle peut pas jouer avec ça. L'intelligence ne prévoit pas ce que l'astral va faire. L'intelligence sait ce qu'elle ne veut pas que l'astral fasse. L'intelligence s'arrange pour faire attention. Chaque fois que l'intelligence est intervenue au niveau du règne humain, l'humain a créé une nouvelle religion. Puis, dans la fin de ce 20e siècle, l'intervention d'intelligence va être beaucoup plus mitigée, beaucoup plus délicate, parce qu'on ne doit pas créer de nouvelles religions par l'intervention de l'intelligence, encore une fois. Est-ce qu'elle n'est pas en même temps plus délicate, parce que, historiquement, quand l'intelligence descendait, ça descendait à travers un ou un très petit nombre d'individus, puis que c'était plus impressionnant que si ça descend à travers 100 000 ou 100 ou... Non, parce qu'à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment d'individus pour recevoir l'intelligence. Puis même encore aujourd'hui, il n'y a pas énormément. C'est ça, ça va être plus d'individus aujourd'hui? Ben, plus d'individus, oui. Au lieu d'en avoir 100, on en avoir 100 000, c'est sur 5 milliards, c'est pour peut-être 200 000. Bon, peut-être même 1 million. Même à 15 millions, on n'est pas encore à minorité. Alors, c'est pas... Le gros de la raison, surtout, c'est que quand l'intelligence est descendue dans le passé, les êtres humains ont fait une religion, parce que l'animal humain... De l'époque, ainsi que c'est l'animal humain qui vit à l'échelle de cette planète, c'est un être qui se médiocrise, qui est manipulé totalement par l'astral à se voir médiocre, à se voir petit, à se voir coupable, à se voir pécheur. Donc, chaque fois qu'il rencontre quelque chose qui, pour lui, est de la lumière, il croit que c'est son créateur ou sa divinité. Il se met à l'adorer. Bon, est-ce qu'en 93, les humains ont commencé à briser cette illusion-là, puis à se centrer un peu plus chez eux? Non, c'est commencé déjà, ça va se poursuivre en 93. Il faut comprendre simplement, au départ, pour expliquer ce que réserve l'année, ou en réalité, ce que réserve l'astral au cours de l'année, ce que réserve l'intelligence au cours de l'année, parce que l'année, la 5, c'est juste des chiffres. Ce qu'il faut comprendre au départ, c'est que l'être humain n'a pas la capacité de faire des choix. L'être humain n'a pas la capacité de prendre des décisions, l'être humain n'a pas la capacité de faire le choix, donc personne sur la planète Terre jusqu'à date n'a pris une décision ou n'a fait un choix. Il n'y a personne qui décide de manger des bananes, il n'y a personne qui décide ce qu'il va mettre à soir, il n'y a personne ici qui a décidé qu'il venait ou qu'il ne venait pas, il n'y a personne qui décide quel automobile qu'il va acheter, il n'y a personne qui décide s'il avale ou s'il avale pas, s'il va aux toilettes ou s'il va pas. Il n'y a personne qui n'a rien décidé jusqu'à date. Ça, c'est absolument essentiel que l'humain comprenne ça, sauf que l'astral s'arrange pour que l'humain ne comprenne pas ça. L'humain est tout le temps convaincu que c'est lui qui décide et c'est lui qui manque son coup. Ah, mais si j'avais su! Oui, justement, on te l'a pas montré non plus. Et on t'a fait voir ce qu'il fallait que tu vois pour faire cette chose-là. Et l'humain l'a fait, en connaissance de cause. Parce que par la suite, on y amène de nouvelles informations, l'humain dit, ah ben, avoir su! Comme par exemple, les gens vont voir des astrologues, les gens vont voir des tireurs de cartes, la majorité de ces gens-là se trompent sans arrêt. Et parce qu'une fois sur 200-300 prédictions, ils réussissent, ben on croit que c'est bon, ça marche. Les gens font la même chose avec la loterie. Les gens ont une chance sur 14 millions de gagner le 649. Les gens achètent des billets sans arrêt et les gens perdent sans arrêt, ce qui confirme les gens qui vont probablement gagner prochainement. Ça, ce sont des manipulations au niveau de l'astral. Il n'y a personne sur la planète Terre, je suis là, qui décide quoi que ce soit. Et ça, c'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup au niveau du séminaire. On en parle un petit peu là parce que pour comprendre ce que nous réserve l'astral, comment dit ce que la vie vous réserve, pas plus que la vie, mais la vie, souvent, c'est l'intelligence et l'astral. On va diviser un petit peu en deux, parce que l'astral intervient, disons, manipule beaucoup plus certains types d'humains, et l'intelligence a tendance à instruire, donc à manipuler par l'intelligence, par l'instruction, différents autres humains. Quand on dit, bon, je me confonds souvent au niveau des gens, par exemple, quand je dis que les gens n'ont pas de libre arbitre, c'est-à-dire que les gens ne décident pas ni le bien ni le mal qu'ils vont faire, les gens ne savent pas si c'est bien ou si c'est mal, sauf quand ils l'ont fait. Puis ça dépend encore des événements, hein? Parce que tuer quelqu'un, ça peut être intéressant. Vous rencontrez un enfant qui est extrêmement joli sur le coin de rue, là, vous l'égorgez. Ah, vous faites le mal ou le bien? Ah, ben, on était en 1900 quelque chose, puis c'était Adolf Hitler. Mais vous ne saurez jamais, vous avez empêché un tyran de naître. Ben non, vous le sauvez à la place, puis vous l'allaitez, vous lui faites grandir, puis vers 8-9 ans, ben là, il se pousse. Puis à 30 ans, il revient, puis là, c'est Adolf Hitler, puis tout plein de monde. Êtes-vous responsable des millions de morts que l'enfant que vous avez sauvé va faire? Il n'y a pas, l'humain n'a pas la consistance actuellement pour être capable de gérer la vie. Pourquoi? Parce qu'il est totalement assujetti à la croyance qu'il a un libre arbitre, donc que c'est lui qui pense et que c'est lui qui décide. Et il est totalement assujetti aux manipulations de l'astral, justement, parce qu'il ne sait pas que c'est lui qui se manipule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dis à quelqu'un, tu n'as même pas décidé les souliers que tu as achetés. Il y en a qui m'ont dit, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est ma femme que j'ai acheté. Bon, OK. Mais d'autres personnes m'ont dit, ben voyons donc, c'est moi qui ai décidé, je prenais ceux-là. Fait que là, moi, je lui demande, pourquoi tu les as pris? Et parce que je les trouvais beaux. As-tu décidé que tu les trouvais beaux? Ben non. C'est ça. Autrement dit, on a juste à rentrer dans ta conscience des caractéristiques particulières de l'esthétisme, puis c'est pas ceux-là que tu vas prendre, c'est ceux-là que tu vas prendre. Pourquoi? Parce que ceux-là que tu trouves beaux. C'est simple. Puis ça, l'humain a de la difficulté à comprendre le principe. Les Noirs, par exemple, les Haïtiens sont fortement capables de faire l'amour avec des Haïtiens, de s'embrasser, de se coller, etc. Bon. Mais la majorité des Blancs ont de la difficulté à toucher un Haïtien. Ça peut être vice-versa. Pourquoi? Ah, mais c'est une santé. C'est ça. Mais si on vous programme différemment, vous venez, vous êtes blanc, vous venez au monde en Haïti, vous vous êtes élevé par les Haïtiens, vous n'allez avoir aucun problème. C'est une question de programmation, donc une question de ce qui va structurer l'humain. Parce que l'humain est structuré à partir de sa génétique, des principes réincarnationnels, réincarnation qui se fait 24 heures sur 24 tout au long de la vie de l'être humain, parce que l'humain est structuré par son éducation, éducation sociale, théologique, morale, scientifique, scolaire, etc., etc., parce que l'humain est totalement programmé, finalement, ben, il se passe des événements dans l'astral qui vont toucher un certain type d'humain, un certain type de programme, et ça va les amener à faire certaines choses. Parce que l'humain a de la conscience, pas tous les humains, mais une bonne partie de l'humanité a de la conscience, un peu de conscience, il a la capacité de se rendre compte que ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire, ben, ça n'a pas de foutu bon sens, c'est pas ça qu'il veut faire. Par exemple, lorsqu'un couple s'engueule sans arrêt, ben, à un moment donné, s'ils peuvent se rendre compte, ils sont malheureux. Bon, un humain qui n'est pas conscient, il ne se rend pas compte qu'il est malheureux. Ils vont vivre longtemps, ils vont vivre, ils ne se sépareront jamais, ils ne se divorceront jamais, ils vont s'engueuler tout le temps, puis ils vont trouver que c'est correct de même, ben, moi je fais de même, mais le fait de même, il n'en souffre pas. Quelqu'un qui est vraiment conscient, à un moment donné, il en aura le bol de s'engueuler. Sauf qu'il va découvrir qu'il ne peut pas s'empêcher de s'engueuler. Alors il va rationaliser, l'astral va le manipuler à lui, à le convaincre, un, que c'est l'autre, ou deux, que c'est lui. Donc, il va, oh, oui, mais tu sais, on est mariés. C'est elle, elle est toujours en train de me piquer, elle a toujours le mot qu'il faut. Elle a toujours le mot qu'il faut. Est-elle une puissante psychologue? Pour avoir toujours le mot qu'il faut. Est-elle une voyante, un médium pour avoir le mot qu'il faut? Ce soir, je rentre, je suis heureux, elle dit, ah, ben il est 5h10. Elle a juste dit ça. Et moi, je dis, c'est ça, change d'homme parce que je t'entends encore. Ben, elle a les mots, elle a les mots. Et ça, c'est que l'humain est manipulé. Je ne veux pas me disputer, elle ne veut pas se disputer et on se dispute sans arrêt. Nécessairement, on va être malheureux. Mais on est manipulé. On est manipulé. Elle, le terrain est préparé lentement. Moi, je suis préparé lentement. Puis quand on arrive ensemble, paf, on va nourrir le monde astral. Donc, on se fait charrier et là, on va justement plaire au monde astral. Et si on dit qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on a de la conscience. On a de la conscience. La conscience, c'est les bribes qu'on a de contact avec notre propre intelligence. Stupide de chicaner. On est au fin fond on est sur une planète Terre, au fin fond d'une galaxie, là, perdue dans le cosmos. Puis on est en train de se battre pour savoir c'est qui a fini de la patate. Bon, ça c'est l'humain, ça, là. Hein? Qui a fini les confitures? Ou encore, comment tu aurais pu m'en laisser? Écoute, fallait bien que n'y ait un qui finisse, hein? Si je t'en laisse, c'est fini. Si tu aurais pu m'en laisser, fait qu'on s'en laisse, le pauvre reste là. Bon. On est au fin fond d'une planète perdue dans un système solaire, au fond d'une galaxie, dans une création, puis la majorité des êtres humains sont là à se demander si leur rouge à lèvres leur fait bien ou pas, si les souliers sont corrects ou pas, s'il y a plus, s'il n'y a pas plus. Je parle plus PLU, PLUE, ils n'ont pas bien. L'humain est distrait par des insignifiants, comme ça pendant ce temps-là, il ne s'aperçoit pas de l'absurdité de ce qui se passe. Bon, l'humain est occupé. Mais c'est ça, mais comme tu parles, il y a l'astral, il y a la conscience, donc il y a deux plans. Oui. Il y a tout le temps deux plans qui s'affrontent. Qui s'affrontent pas. L'astral s'affronte tout seul, puis l'intelligence attaque. Mais deux histoires décrites. Oui. Puis de temps en temps, on joue dans une, puis de temps en temps, on joue dans l'autre. Ça dépend à qui. La majorité de l'humanité joue dans celle de l'astral, la mécanique évolutionnaire archangélique, ce qui concerne les masses, les troupeaux. Et puis, il y a quelques individus qui, de temps en temps, ont des bribes de contact avec leur intelligence, ce qui les amène à des prises de conscience, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de voir avec les yeux de l'astral, tu vois avec les yeux de l'intelligence, tu te rends compte. Que c'est stupide, ça, ou absurde, tel genre de façon de vivre, ou comment simple pourrait être la vie. Ça, c'est l'hybride d'intelligence. Si l'astral nous réserve quelque chose pour 93 et que l'intelligence nous réserve quelque chose d'autre pour 93, la résultante peut être difficile à concilier. À prévoir. Si les deux plans ne sont pas identiques. À prévoir, il faut oublier, c'est imprévisible. Mais l'année, est-ce que déjà décidé? Si on peut-tu savoir d'avance? As-tu vécu cette année-là? Oui, cette année-là est vécue, sauf qu'elle est vécue par différents humains, donc elle est vécue de différentes façons. Mais elle est vécue, l'année. Mais elle est déjà vécue. Ah, ben, c'est une vieille année. Une vieille année, certaine, 1993. Enfin, c'est une année historique, elle vient à Tabarouette, oui. J'ai pris une chance. J'ai apporté des cartes de tarot. Puis je me suis demandé si, par hasard, pour vérifier les prévisions, parce que tu disais que les deux, astral et l'intelligence, vérifier les prévisions astrales, ça se fait avec tes cartes. Bon, on va expliquer une petite chose ici avant. Ça se fait n'importe comment. Il y a le plan de l'intelligence, qu'on appelle aussi le sucre mental, en haut du mental. Le plan d'intelligence, c'est de l'intelligence active, c'est-à-dire que, comparativement à l'astral, qui... dans son niveau le plus élevé, c'est de l'intelligence passive, c'est de l'intelligence qu'on appelle de l'intellect ou de l'intellectuance, de l'intelligence qui dépend des connaissances que vous avez en mémoire, alors que l'intelligence supramentale, l'intelligence active, elle ne dépend pas de ce que l'humain a acquis en mémoire, c'est-à-dire qu'elle permet à l'humain de savoir ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Alors que l'intelligence passive permet à l'humain de savoir ce qu'il a besoin de savoir, s'il s'en rappelle, dépendamment de manipulation astrale, uniquement en fonction du fait qu'il l'ait appris avant. Bon. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les voyants, les médiums peuvent fouiller dans l'astral, mais la majorité, lorsqu'ils fouillent dans l'astral, sont colorés par leur propre astralité. Ça veut dire quoi? Par leur propre émotivité, leur propre désir, leur propre expérience mémorielle, donc leur mémoire, leur désir, leur émotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un voyant, un médium a de la grande difficulté à prévoir pour lui. Parce que lorsqu'il essaie de prévoir pour lui, il se colore totalement, puis il se donne des résultats qu'il aimerait avoir ou qu'il a peur d'avoir, mais c'est pas ça. Donc, il peut être très efficace pour quelqu'un d'autre, mais très pourri pour lui. Ce qui peut expliquer que, par exemple, certains voyants auront la capacité de faire gagner de l'argent des individus, mais eux ne sont pas capables. Alors, eux vont prendre une ristourne. Tu me donnes 10% de ce que tu gagnes. Ça fait niaiseux, tu n'as qu'à prendre tes chiffres puis y aller. Non, quand j'en trouve pour moi, ça ne marche jamais. Mais ça, il ne dira pas. Il va dire, ah, il ne faut pas. Il va donner des raisons spirituelles pour expliquer qu'il n'est pas capable pour lui, là. Ah, le karma, ou encore, non, je n'ai pas besoin d'argent pour vivre. Une 10%, c'est uniquement pour te permettre de ne pas avoir de karma. C'est pas qu'à de raison. Mais c'est uniquement parce qu'il a besoin pour vivre lui aussi, puis il n'est pas capable pour lui. C'est très simple. C'est logique. Le voyant peut être bon pour quelqu'un d'autre. L'astrologue peut être bon pour quelqu'un d'autre, pourri pour lui. C'est souvent ce qui va arriver. Son interprétation dépend de l'astralité, de son intuition. Pour lui, il n'est pas bon. Un être supramental, ce qui est mon cas, n'est pas un médium. Donc, je ne suis pas capable d'aller fouiller dans l'astral pour connaître des prévisions. Chaque fois que je fouille dans l'astral pour savoir ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, disons, partir de mon année, aller jusqu'à votre année, chaque fois que je fais ça ici, il y a une interprétation au niveau d'intelligence. Autrement dit, chaque fois que je prévois dans l'astral ce qui va arriver, je suis coloré par le plan de l'intelligence à travers la vision de ce qui est arrivé dans l'histoire humaine. Autrement dit, ce que j'amène comme... vision du passé, ce n'est pas des prédictions, c'est de l'histoire, c'est jamais vrai sur le plan émotif humain, c'est-à-dire que l'humain qui écoute ça ne vivra pas cette correspondance au niveau de son plan émotif, donc dans sa vie, il ne pourra pas trouver ou voir ce que j'ai expliqué. Puis dans son intelligence, à un moment donné, il va comprendre que ce que j'ai expliqué, c'est ce qui est arrivé, et pas comme il l'avait compris au niveau émotif. Donc, effectivement, pour un être relié au plan supramental, il peut connaître le plan d'intelligence sans aucun problème. Il peut l'expliquer. Il reste à voir maintenant si les gens reliés au plan astral peuvent comprendre. Et le voyant, le médium, peut lire au niveau du plan astral pour la majorité des humains. Maintenant, l'avenir est toujours en mouvement. L'avenir est pour l'humain actuellement, c'est toujours en mouvement. Donc, un voyant peut prévoir grosso modo certaines choses. Il va prévoir des correspondances. Ce qui est important, c'est que plus on fait de prédictions, moins il y a de chances qu'elles se réalisent au niveau de l'astral. Pourquoi? Parce que plus il y a d'humains au courant, plus l'astral est manipulé, perturbé, changé par des humains au courant. Plus on prophétise une guerre, moins il y a de chances qu'elle arrive. Plus on va prophétiser de paix, plus il y a de chances qu'il va y avoir une guerre. Ce qui va faire en sorte que les prophètes les plus inconnus ou les plus méconnus sont ceux qui sont les plus grands. Et quand on les découvre, on dit « Tabarouette, t'as toujours eu raison. » C'est normal, personne n'a connu ces prédictions. Alors que le prophète est à la mode, plus il va être connu, moins ça va fonctionner. Alors Michel de Nostradamus, plus il est connu, moins ses prophéties vont aboutir parce que l'humain, les connaissant, va changer un peu les choses. Bon. Le voyant ne peut pas prévoir l'intervention d'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez voir un astrologue, vous allez voir quelqu'un pour prévoir pour vous-même, si vous êtes le moindrement en contact avec votre intelligence, il y a des chances que votre astrologue ait tort tout le long de l'année ou tout le long de votre vie. Il y avait raison pour l'animal humain, il y a totalement tort pour l'être humain. Puis là, une personne, si vous rencontrez quelqu'un qui est relié à son intelligence, il peut vous expliquer des choses qui n'arriveront pas nécessairement tout de suite. Pourquoi? Parce que vous êtes encore manipulé par l'astral, ce qui fait que l'alliance des deux aurait raison, mais normalement, on ne la fera pas, là. Bon. Pour me permettre, moi, je peux effectivement utiliser un outil astral comme les tarots, comme ce que tu as mis, les tarots. Avec les tarots, ben là, je suis capable de les fouiller dans l'astral pour avoir une idée un peu de ce que l'astral réserve à l'humain. En ce qui concerne ce que l'intelligence réserve à l'humain, j'ai pas besoin d'outils. Ça, j'ai juste à parler. Parce que moi, je peux facilement t'expliquer pourquoi l'astral va faire ceci, quand l'astral va faire cela. Mais ces plans ou ces choses-là, chaque fois que j'en parle, c'est à mon niveau, puis c'est rarement utilisable. Tu parlais tantôt, au niveau des prophéties, que plus elles étaient connues, plus l'humain risquait de s'en servir pour faire autre chose. J'ai lu le dernier livre de Nostradamus, en fait, c'est pas de Nostradamus, mais... Nostradamus, il est mort depuis longtemps. Oui, le nouveau, disons, une des nouvelles interprétations, et puis c'est l'été dernier, c'était bien clair que le pape devait se faire tuer, ou en tout cas, blesser... Le pape, c'est le temps qu'il est informé qu'il va se faire assassiner, soit là, ou là, ou là. Bon, OK. Il va partout sauf là, puis là. C'est exact. Alors, c'est ce qu'il a fait. Lui, il a d'abord de l'information, puis il s'en est servi. Sauf qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'avenir est changé. Un des futurs possibles n'existe plus. Puis... Les choses sont retardées. À un moment donné, le pape va prendre l'avion pour aller quelque part. Puis l'avion va être détourné, va avoir un problème mécanique. Il va atterrir dans une ville baignée par deux fleuves, par exemple. Puis le pape va se faire assassiner là. Alors que le pape ne pense pas là qu'il allait. Mais jusqu'à date, effectivement, le pape arrive à échapper convenablement aux choses. Tu dis que ça va quand même arriver. Mais non, je ne dis pas. Je te dis que si ça va arriver, ça n'arrivera pas parce que le pape va dire « Bon, on est en 93, il y a une ville là-bas là, qui ressemble à ce que Malachi a dit. Oh, on va aller faire un tour là, voir s'il avait raison. » Je ne dis pas. Mais tu dis si ça va arriver. Donc, il y a des choses qui ont arrivé. Non. Pas si ça va arriver dans le sens que tu le dis. Si ça va arriver. OK. Et pas dans le sens fatidique du terme. Si ça va arriver, il va arriver. Mais des prévisions... C'est pas nécessaire que ça arrive. Non, je comprends. Mais des événements comme ça, comme l'assassinat d'une personne politique ou publique, est-ce que c'est plus important dans le sens des effets que ça va causer que... Bon, je vais donner un exemple. Le karma de tout le monde. As-tu? La Troisième Guerre mondiale commence lorsque le djihad islamique, donc une grande partie des pays musulmans, entre en guerre contre l'Europe, les États-Unis. Ça crée une guerre mondiale. Eux, ils sont appuyés secrètement par l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, qui leur fournit des armes, de l'argent et de l'énergie, gaz, pétrole, etc. À un moment donné, parce que les Américains et, le bloc de l'OTAN, ce qui serait relié à ça, a de la difficulté, les musulmans terroristes, plus beaucoup d'armement, plus beaucoup de personnes, plus des fanatiques. Un fanatique vaut au moins 8-9 personnes qui veulent vivre. Hein. Quelqu'un qui veut mourir, il est bien meilleur que 10-15 qui veulent vivre. C'est une grosse armée, l'Irak? Ah ben, c'est pas l'Irak, je parle du pays musulman. Oui. Ça, c'est selon les prophéties. Et à un moment donné, le djihad islamique va vouloir, quand il va commencer à prendre de l'ampleur, il va se retourner progressivement sur l'URSS pour commencer à démanteler l'URSS. Bon. Et là, à un moment donné, l'URSS, démantelée par la force musulmane, va libérer la Russie, qui, se retrouvant sur ses pieds, va s'associer avec avec les États-Unis d'Amérique, et là, va mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, à la Troisième Guerre mondiale, vers l'an 2000. On est rendu là, l'URSS, Là, ce qui arrive, c'est que, vu que c'est connu, puis vu qu'il y a des gens comme moi, il y a des gens comme d'autres personnes qui, dans le monde, communiquent de l'intelligence, font certains travails, sur certains plans d'ailleurs, nécessairement, le mouvement temporel est brisé. L'URSS n'existe plus, la guerre n'est pas commencée. Donc, évidemment, les gens vont dire, ah, regardez, c'est ce qui était prévu. Présentement, les pays pauvres de l'URSS ont besoin d'argent et d'énergie. Ils peuvent vendre des armes nucléaires ou des armes puissantes à Saddam Hussein, par exemple, ou à des pays comme ça, qui, eux, ont de l'argent, du pétrole et de l'énergie, pour remonter leur pays. Donc, on voit qu'il y a un parallèle avec la prophétie, mais on est déjà plus centré dans la prophétie. C'est pas dit qu'il y a eu une guerre. C'est dit qu'on est passé proche en maudit, en tout cas. On parle de guerre, petite guérette, là, il y en a. Mais je parle de gros conflits. C'est pas dit. Alors, plus les gens se conscientisent, plus les gens sont capables d'être intelligents, bien nécessairement. Comme par exemple, l'ONU commence à faire ce pourquoi elle a été conçue. C'est 1950. En fait, ça a paru l'ONU, une société des nations avant, en tout cas, bon. Se mêler des affaires d'où ça va mal. Oui, l'ONU commence à s'arranger pour empêcher les guerres. Sauf que c'est encore des interventions qui rapportent plus à l'Occident. Mais c'est quand même mieux que rien. Hein? Avant, il ne se passe rien. Il y a des petites choses comme ça, mais chaque intervention semble dangereuse. Mais présentement, tu dois prendre de plus en plus, les prophéties sont fausses. Est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Alors moi, je vais simplement parler de ce que l'astral réserve. Je ne sais pas ce que je vais faire, on va regarder. Moi non plus. Qu'est-ce que je fais? Que je peux brasser les cartes? Je te les donne? Non, non, tu les brasses pas. C'est déjà assez mélangé de même dans la stage. Bon, pour avoir une perception, il faut juste toucher au paquet. Voilà, voilà, voilà. Pour avoir une perception plus collective, c'est important. Madame, ici, elle connaît l'emplacement exact de chacune des cartes. Bon, c'est de la métagnomie. Madame n'est pas tout à fait consciente, peut-être, de la métagnomie. Si on l'hypnotise présentement, puis qu'on lui demande quelle carte est placée à telle place, elle le saura tous. Et ça fait partie des sens cachés de l'humain, puis l'humain ne s'en sert pas. Alors, maintenant que madame le sait que tout le monde est télépathe, vous savez tous comment sont placées les cartes. La première est sur le dessus, la dernière est sur le dessus. Celle du milieu est en plein centre. Voilà, la 17e est à sa place. Tout est en ordre. Mais en plus, vous savez lesquelles sont. Alors maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est très, très, très simple, c'est de donner des chiffres. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire ce que souvent les êtres humains ont la capacité de faire, mais que les humains ne développent pas. Je vais me servir d'un outil astral, c'est-à-dire de la vibration de votre parole, pour voir ce que l'astral réserve à lui-même. Oh, c'est banal, hein? C'est très, très, très simple. Alors, il y a une personne ici qui va me donner un chiffre de 1 à 22. 11. Pour la majorité des êtres humains, l'année 93 va être une année normale, une année plate, une année passive, une année où ils ne contrôleront pas grand-chose. C'est sûr que pour monsieur, c'est extrêmement vrai. Cette année-là ne sera pas une année extrêmement performante pour lui. Je parle au niveau du contrôle, pas au niveau des résultats. Mais pour la majorité des humains, l'astral va se charger de les charrier au complet. 11, chiffre 2, 2, c'est le passif, on a le même but tout à l'heure, donc platitude. Au niveau de l'astral, l'astral va s'occuper de l'humain. Bon, ce que l'astral réserve, de grandes manipulations pour 93. C'est bon. C'est nouveau. Un autre chiffre. 13. Ce que l'astral ne donnera pas à l'humain, en tout cas, en ce qui concerne les personnes qui font partie de la conscience ou des gens qui sont conscients un petit peu au Québec, ce que l'astral ne pourra pas faire, c'est les agresser de façon violente. Autrement dit, au niveau de l'astral du Québec, il n'y aura pas de guerre, c'est pas prévu. Pas des prophéties, je vous fais, moi je vous parle de ce que l'astral réserve. Ça, il n'y aura pas de problématiques majeures, il n'y aura pas de grosses épidémies, bref, ça va être intéressant. Autrement dit, l'humain va être manipulé énormément, mais il n'y aura rien de catastrophique. Bon. Maintenant, l'astral, elle donne à l'humain. Elle donne. Évidemment, si elle donne, c'est dans le but de... Hein, vous comprenez? C'est politique, son affaire. Alors, qu'est-ce que l'astral va donner à l'humain? Monsieur, un chiffre de 1 à... L'astral va donner... Ah, ben c'est intéressant. En 93, pour les gens qui se conscientisent un peu, puis pour la majorité de la population du Québec, l'astral, dans les 12 mois 93, va donner toute une panoplie de phénomènes pour rendre l'humain actif et pour le rendre foufou. Autrement dit, ce que l'astral va faire, c'est qu'elle va permettre, elle va tellement donner d'informations à l'humain, d'idées, de possibilités événementielles, que les personnes, donc la majorité des humains, vont être en dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'ils ne sauront pas quoi faire. C'est un peu courant chez l'humain. Mettre assez d'informations pour nous mélanger bien comme ça. Oui, énormément d'informations, c'est ça. Tu vas rencontrer un bonhomme qui va te dire « va pas là », OK, tu reviens d'abord, il y a un « j'arrive là, c'est merveilleux ». Là, tu te dis « oh, j'y vais-tu pas ». L'astral, c'est ce qu'elle va faire, elle va amener l'humain en dissonance cognitive majeure, probablement un peu plus en 93, puis c'est logique aussi au niveau des plans astraux. Plus on s'avance vers la possibilité de rencontre avec des êtres transtemporels, plus on s'avance vers la possibilité d'un contact supramental plus complet, plus l'humain va être manipulé pour être en dissonance cognitive. Maintenant, qu'est-ce qu'elle peut va faire avec l'information de l'astral? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Un chiffre. 12. L'humain, avec ça, il va tellement bien s'en servir qu'en 93, pour plusieurs, ça va être une perte au niveau de la matière, une perte au niveau de la finance, une perte au niveau des amis. C'est intéressant. Ça, c'est ce que l'astral réserve. C'est pas ce qui va vous arriver. Non, écoutez, vous avez au moins quelque chose, que ça n'arrive pas. Alors,